Mon père, à qui son goût pour la chasse avait fait découvrir ce site élevé et presque inabordable, s'y rendait souvent après le dîner, dont l'on sortait alors à 2 heures. Il y portait avec lui un livre, pour y passer en société d'un grand ou aimable esprit les longues soirées des jours d'été. Il m'y conduisait souvent avec lui, quand vers l'âge de 10 à 12 ans, le collège me rendait à la famille. Dès qu'il y était assis, son livre ouvert dans la main, je m'occupais agréablement au pied des créneaux à choisir, parmi les pierres roulées, les plus belles pétrifications marines, ou à tresser des paniers pour mes sœurs, avec ces joncs qui croissent à sec sur les pelouses arides. Bientôt nous entendions, du côté de la montagne opposée à celui que nous avions gravi, des pas lents et mesurés. Ses pas faisaient rouler au-dessous de nous les pierres sèches. Un autre de la montagne paraissait presque aussitôt après, un livre aussi dans la main. Il essuyait son front taché de sueur et de poudre blanche en regardant mon amas de coquillages et en m'expliquant comment la haute marée des siècles les avait portés jusque-là. Puis, il allait saluer avec une cordialité un peu cérémonieuse mon père et il s'asseyait dans la seconde stalle du rocher.